bien la suite. Deuxième chronique du jour, j'adore. Je suis super contente. Oui, on va essayer. Hein. C'est un peu proof of concept, donc il y a encore de l'amélioration à faire. Hein, ça. Mais on est là pour ça. Bah ok, c'est super, c'est génial. Donc en fait, ça s'appelle Chronique d'une dystopie. Et auditoire innombrable, invisible et divers, bonjour. Ceci n'est qu'une chronique, un témoignage de votre humble serviteur, celle d'une dystopie. Pas à pas, pourquoi ne pas décrire celle-ci? Celle-ci qui laisse la bonne société dicter la défense d'une police qui abuse, qui gaze, qui tue, qui mutile. Célébrer des réactionnaires en mettant leur face sur des billets. Et Churchill, on s'en passe de ton mythe construit sur des millions de morts. Ou encore préférer consommer, s'anesthésier, se mortiférer. Au détriment de milliards d'êtres humains, de frères, de sœurs, de mères, de pères, de gens qui s'aiment au final et qui ne peuvent qu'aspirer à gagner quelques centimes de l'heure. Un peu comme vous, auditoire, avec vos proches et vos amis. Sauf qu'elle meurt chaque jour un peu plus, sous le coup des produits chimiques, de nos déchets, de notre post-colonialisme, des bombes, de nos bombes, d'avoir fouillé ces bombes, et j'en passe. De notre irresponsabilité, somme toute. Cette dystopie, auditrice, auditeur, on la vit en toute inconscience. En refusant sciemment la science non technologique, tandis que s'est installée depuis trop longtemps notre inaction de masse, notre haine sociétale des mouvements sociaux, de notre amour pour la patrie, pour nos valeurs de démocratie qui est plus crasse que réelle, la surveillance de masse est là, l'armement des chiens de pouvoir aussi, l'action et le progressisme sont entravés par la bien-pensance des journaux et lorsqu'ose s'élever une voix hors de la douche, non plus pour chanter mais pour scander des slogans toujours d'actualité, juste pour dire stop au massacre de Palestine à la Chine, dans tous les pays en fait. Eux, les journaux donc, ils crient au scandale, dirigent l'opinion, comme un berger son troupeau, comme un curé sa harde, comme un imam et son cheptel, comme un Dalai Lama un peu fasciste mais vénérable parce que bouddhiste. Sans Dalai Lama m'a pas fallu longtemps la vivre, cette rage puis cette fatigue, cette impuissance face au système qui sert de justification à toutes et tous pour rester assis. Cette fatigue qui pousse à partir, à s'éloigner et à faire sa vie loin de tout ce fracas. Mais ça ne serait pas juste de se dissocier, de se désolidariser de toutes celles qui subissent et vivent ce système et qui n'en peuvent plus. Cela serait, vous en conviendrez, quelque peu hypocrite de quitter le bateau alors que chaque jour on se fait tous grignoter par cette merde sale et pleine de capitalisme, d'injustice et puis merde quoi. Moi, pourquoi n'aurais-je pas le droit de vivre libre ici, au lieu de m'exiler? Le droit d'être sans chaîne et d'éviter de les donner à quelqu'un d'autre un peu plus dans la misère que moi? Pourquoi ne pourrais-je pas dire stop à l'esclavage? Alors, on reviendra sur la question de l'esclavage et de ses ravages une autre fois. J'ai une belle équation à vous raconter, mais ça n'est pas cependant le moment, vous en conviendrez. Je sais, beaucoup s'en branlent de ce qui nous rend humains. C'est comme ça. Dès lors que ça sort du cadre de leur télé, pardon, de leurs idées, tant qu'ils peuvent, au soir, se satisfaire d'une bonne action, d'avoir proposé un sandwich à un pauvre, quelle infamie, quel scandale, qui a osé le refuser. Ce genre de comportement ingerbé, en fait, inhumain, où l'on définit l'autre uniquement sur son manque et son besoin. Peu importe sa personnalité, son parcours, sa camaraderie de lutte, bref, à la voir comme il est, inégal. C'est de cette dystopie dont je veux parler, que je vais dénoncer, celle dans laquelle nous sommes et à laquelle tous les jours, dans nos petits gestes, on participe. Un peu comme des petits colibris dessinés par un facho, tant prisé par la gauche bien pensante. Dystopie contre laquelle on ne fait rien, parce qu'autrement, vous comprenez, ma chère, si on devait satisfaire tout le monde, on ne pourrait plus rien faire. Alors, auditoire innombrable, invisible et divers, depuis que j'ai l'avantage et l'honneur de vous adresser la parole, je pense beaucoup à vous, beaucoup plus que peut-être vous ne l'imaginez. Et chaque fois qu'il m'est arrivé de vous parler, tandis que je vous parlais, je vous voyais, je finissais vraiment par vous apercevoir. Et ce qui m'obsédait, c'était vos yeux. Oui, ce sont vos regards qui m'occupent, car je me demande à quoi vous pouvez bien les occuper. Je ne vous vois pas les yeux fermés. Je ne m'imagine pas que je parle à des aveugles provisoires, bien que je sois alors un sourd momentané. Non, je vous vois les yeux ouverts avec un regard errant, inemployé, presque inutile. Et de là m'est venue cette idée d'un livre d'images conçu et composé à votre intention. J'ai mal au dos, j'ai mal au cœur, j'ai mal à l'ego, j'ai mal à vos pleurs, j'ai mal au youpi, j'ai du mal à rester altruiste, j'ai mal aux fachos et à toute forme d'intégrisme. J'ai mal partout, comme un pépère usé, comme un pervers rusé, comme un enfant abusé. J'aurais jamais dû vendre la peau de la bête écorchée, de la putain décharnée, en proie au système, la proie de ceux qui éjaculent leur peine et qui pourtant ne cessent de fanfaronner. Je suis fatigué, fatigant, je ne suis finalement qu'un paradoxe vivant. Je m'appelle pas Constance, comme la future fille de mes potes. Je dois être celui qui s'est faufilé par le petit trou de la capote. J'ai du mal à finir cet album. Je kiffe mes paroles, l'instant d'après je les trouve connes. Je focalise sur le pire du bon, sur le laid du beau, sur le médiocre dans tout. Je vois la place vide, dans l'arène surpeuplée. J'entends les propos perfides des gens soi-disant engagés. Mais quand ma petite fille me dit, je prends la dimension du bonheur astral. Petite fleur balaye doucement de son regard, de ses pétales, le ciel, de mes tourments, le fiel acide de mes relents aigris. Je l'aime un peu beaucoup passionnément à la folie. Elle me dit quelques mots, elle me dit tout. Alors que moi je m'étale, je ne dis rien du tout. C'est un petit végétal dans un monde anthropophage. Une petite éclaircie dans un ciel d'orage, dans un monde de rage. Je ne vois mon salut que dans le monde de l'enfance. Elle regarde les étoiles et quand ma grande fille me dit, regarde la lune. Elle est comme toi ma chérie, elle va, elle vient et m'apporte une fête de clairs obscurs et d'humeurs impétueuses. Mais lorsqu'elle est entière, elle est si lumineuse. Elle ne fait pas le quartier, éclairée par notre astre. Mais privée de moitié, elle peut retrouver son casque. Elle me dit presque rien, elle me dit tout. Alors moi je l'écoute et je ne peux rien faire du tout. C'est un grand végétal, un miroir chronophage. Une petite éclaircie dans un ciel d'orage. Regarde la lune. J'ai mal au dos, j'ai mal au cœur, j'ai mal à l'ego, j'ai mal à vos pleurs, j'ai mal au youpi, j'ai mal aux fachos et à toute forme d'intégrisme. J'ai mal partout, comme un pépère usé, comme un pervers rusé, comme un enfant abusé. J'aurais jamais dû vendre la peau de la bête écorchée, de la putain décharnée, en proie au système, la proie de ceux qui éjaculent leur peine et qui pourtant ne cessent de fanfaronner.